Vous écoutez donc Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1 et nous y ouvrons l'émission avec un plongeon dans le temps avec Marie-Claude Dionne pour s'intéresser aux grandes extinctions du passé, mais aussi aux premières extinctions causées par l'homme des temps préhistoriques. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Et puis peut-être, puisqu'il est question d'histoire, la première question à se poser, c'est on peut peut-être commencer par faire un historique de cette notion d'extinction elle-même, une notion qui peut-être devait s'opposer à la pensée religieuse à une certaine époque. Oui, oui, tout à fait. Quand on remonte un peu dans l'histoire, c'est qu'on réalise que l'extinction n'a pas toujours été acceptée en tant que concept. Sa reconnaissance ou sa connaissance a été permise, entre autres, avec l'observation des fossiles. On se retrouve au 18e ou 19e mm-hmm. siècle. Il y a plusieurs géologues qui vont découvrir des fossiles d'animaux lors de leurs recherches. Ils vont réaliser que c'est des espèces qu'ils ne connaissent pas ou qui ressemblent peut-être vaguement à des espèces qui sont déjà connues. Et c'est à ce moment-là qu'on conceptualise la notion d'extinction. Mais dès le début, cette conceptualisation-là, elle grandit en même temps qu'une grande polémique. Ouais. L'idée même de l'extinction allait contre ceux qui croyaient à la Scala Natura. C'est quoi ça? Qui est la chaîne des êtres. En fait, c'est un concept qui provient de l'époque médiévale, qui hiérarchise les êtres vivants, mais aussi les êtres non vivants. On parle de l'évolution de la roche jusqu'à Dieu. Ah oui. Et là, okay. Bon, on a quand même aussi à cette époque-là l'exploration terrestre. Le globe terrestre n'est pas encore connu sous toutes ses angles, mm-hmm. dans sa géographie. Et là, on peut penser aussi peut-être que certaines espèces qui sont fossilisées existent encore ailleurs sur la Terre. Oui. Ouais. Mais là, éventuellement, les preuves vont s'accumuler. Il y a des théoriciens comme Darwin qui vont parler du concept d'évolution. Et l'extinction des espèces est peu à peu acceptée. Ouais, donc ça a pris quand même un cheminement intellectuel pour accepter cette idée. Donc avec Darwin, on a accepté l'idée que des espèces disparaissaient, mais dans l'histoire de la vie sur Terre, on a eu des événements où de nombreuses, où là c'était pas une espèce qui disparaissait ponctuellement, mais c'était plusieurs d'un seul coup. Bon, il y a eu la disparition des dinosaures dont on parle souvent, mais c'est pas la seule extinction massive de l'histoire de ouais. la vie. Enfin, on en calcule, on en a découvert 6 des extinctions de masse. Ici, c'est sûr qu'on va sortir un peu de la discipline archéologique. Oui, c'est vrai, hein? On tombe dans la paléontologie, qui est une science qui étudie les fossiles sous toutes ses formes. Ça peut être autant végétal, humaine qu'animal. Et de ces grandes extinctions massives-là, ben, on retrouve la première il y a plus de 480 millions d'années, donc ça mm-hmm. fait très, très longtemps. Et aussi, avec ces divers moments-là d'extinction massive, on va perdre la trace, souvent, de plus de la moitié des espèces animales et végétales en même temps. Donc, c'est vraiment massif. Le mot est très parlant, en fait. Puis, il y a un événement qui fait encore jaser aujourd'hui, c'est la disparition des dinosaures, comme tu as mentionné. Ça arrive à la période Crétacée tertiaire, et non pas à la période ultérieure du Trias jurassique, qui est une appellation qui nous fait rappeler un film d'Hollywood, ben, oui, une trilogie. Oui. Ah, c'est intéressant ça, il y a une petite erreur là-dessus, c'était pas pendant la période du Jurassique. Non, ça s'est passé avant, en fait. Et là, on se retrouve à la fin du Crétacé tertiaire, il y a plus de 65 millions d'années, et on va avoir cette extinction-là qui est beaucoup plus médiatisée que toutes les autres, avec la disparition mm-hmm. des dinosaures. Oh oui, bon, c'est sûr que les dinosaures sont des êtres assez marquants, c'est peut-être pour ça ça fait marcher notre imagination. Donc, il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu, mais à part les dinosaures, est-ce que d'autres animaux ont disparu en même temps? Est-ce qu'on connaît l'impact sur la biodiversité de cette extinction? À cette époque-là, disons, à cette période-là, on va perdre à peu près 30% de la biodiversité, on parle végétal et animal là, ouais. en entier. Ce qui est très peu considérant que, entre autres, à l'ordovicien, on perd jusqu'à 75% de ah la oui. biodiversité. Donc, c'était une extinction beaucoup plus massive. Là. Exactement. Donc, ouais. on en a perdu à l'époque des dinosaures, mais on a gardé plusieurs types de végétaux, mais aussi quelques mammifères et autres animaux aussi. La cause, c'est ce qui nous échappe en ce moment, c'est qu'on peut spéculer sur la cause qui a tué ces dinosaures-là. Ce qu'on sait, en fait, aujourd'hui, ou disons ce qu'on a comme preuve, mm-hmm. c'est une signature géologique qui est connue sous le nom de limite KT. Donc, le K va, et pour la traduction anglaise de Crétacé, et le T pour tertiaire, tout simplement. Mm-hmm. Et cette signature géologique-là se retrouve dans la stratigraphie à plusieurs endroits sur la Terre en même temps. Et cette couche-là, en fait, c'est une mince couche d'argile qui est, à l'intérieur, on va trouver un taux anormalement haut d'iridium. Ah, d'accord. Et on donne souvent aussi pour cause de l'extinction des dinosaures la chute d'une météorite sur le péninsule du Yucatan, mais il y a aussi des hypothèses qui font intervenir le volcanisme, non? Oui, tout à fait. En fait, tout est relatif par rapport à ce métaux-là, à cet iridium-là. Ouais. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de scientifiques tels que Lewis et Walter Alvarez qui vont dire que l'iridium qui est trouvé dans cette couche-là, KT, elle est d'origine extraterrestre. Et donc, on va la relier à l'astéroïde ou la comète là, qui aurait frappé la Terre à l'endroit du Yucatan. Mais il y a d'autres scientifiques tels que Dewey McLean qui provient du Virginia Polytechnic Institute, qui parle, en fait, qui voit cet iridium-là comme d'une origine volcanique. Et c'est tout à fait probable, parce qu'encore aujourd'hui, on sait d'ailleurs que le noyau terrestre en est riche, puis aujourd'hui, on a le Piton de la Fournaise, qui est un lieu sur l'île de la Réunion, qui relâche de l'iridium encore, là, constamment, à chaque jour. Et là, dans ces extinctions d'espèces-là, il y a une cause naturelle, certes, mais aussi l'homme a sa part de blâme là-dedans. Mais pas autant des dinosaures, par exemple. Non, parce que les dinosaures, c'est beaucoup plus... c'est vraiment beaucoup avant la période des hommes. À une échelle là, beaucoup plus rapprochée, on va voir l'homme apparaître. En fait, dans la période glaciaire, c'est là que l'homme est déjà là... vraiment depuis très longtemps, mais c'est là qu'on va voir sa signature, en fait, auprès des animaux. Parce qu'à l'ère glaciaire, ben, il va y avoir la colonisation humaine. Là, en fait, c'est la sortie de l'Afrique. L'homme va aller en Europe, en Asie, puis aussi en Amérique du Nord, entre autres. Et avec cette colonisation-là, ben, on voit disparaître les grands mammifères. Ah oui. C'est ce qu'on appelle la mégafaune, en fait. Dans la population animale qui se sont éteintes de ces grands mammifères-là, ben, on trouve, entre autres, des espèces géantes d'éléphants, de chevaux, de loups, géants, ça veut dire plus grandes que les éléphants qu'on connaît aujourd'hui? Pour l'éléphant, peut-être pas. Mais si on parle des loups, des hippopotames aussi, c'était des tailles encore supérieures. On avait même jusqu'à récemment en Amérique du Nord des pingouins géants. À peu près la taille d'un homme. Comparativement à ce que nous, on a. C'est grand. C'est très, très grand. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces mammifères-là, qui étaient dans une faune, c'est une faune très variée, n'avaient pas de prédateurs à leur trousse. Et donc, quand les hommes sont arrivés, ben, ils ont chassé tout court des continents. Et c'est là qu'on a eu la disparition de tous ces animaux-là à cause de l'Homo sapiens. Puis, l'Homo sapiens, c'était en population suffisante pour évincer comme ça quelques espèces animales. Ça, c'est assez... C'est quand même assez surprenant, mais c'est pas non plus une extinction qui s'est passée en dedans de 10 ans ou de 100 ans. On parle quand même d'une extinction à long terme aussi. Le meilleur exemple, en fait, c'est en Tasmanie. Parce qu'en Tasmanie, ce qui est un état insulaire là, proche de l'Australie, les recherches, en fait, suggèrent que la disparition massive des grands animaux préhistoriques, donc de la mégafaune, est le résultat de la chasse et non du changement climatique comme on avait plutôt pensé. L'homme est arrivé en Tasmanie autour de 43 000 ans avant Jésus-Christ. En ce moment-là, l'île est rattachée par un petit pont terrestre avec l'Australie, ce qui permet le mouvement humain à travers l'Australie et la Tasmanie. On rapporte à cette même époque une espèce de kangourou géant, encore une fois, qui a vécu pendant la présence de l'homme. Donc, on a ces kangourous-là qui vivent à peu près pendant à peu près 2000 ans, conjointement avec l'homme, mais ils disparaissent. En fait, ce qui nous permet de corroborer les dates de la cohabitation des kangourous ainsi que de l'homme, c'est des techniques de datation au radiocarbone, mais aussi de luminescence. Donc, la luminescence, c'est une émission de lumière par une substance qui résulte pas de la chaleur. Donc, il s'agit d'une forme de rayonnement de corps froid. Elle peut être causée par des réactions chimiques, de l'énergie électrique, des motions subatomiques, du stress sur un cristal aussi. Et c'est donc avec un calcul mathématique qui m'échappe, bien entendu, je suis pas spécialiste, quand on peut connaître la datation d'un objet. Et donc, ces techniques de datation-là ont pu déterminer que l'âge des restes fossilisés de la mégafaune est corroboré jusqu'à 2000 ans pendant de temps. Avec la présence humaines. Des humains. Et donc, ben là, on voit que c'est que le climat de cette petite île-là, de la Tasmanie, avait changé, mais pas autant qu'on l'avait aussi pensé. Les nouvelles recherches ont permis de voir aussi que le changement climatique était pas autant spectaculaire qu'on aurait pensé. Et donc, là, on fait valoir maintenant que les espèces de kangourous ont vraiment disparu à cause de l'homme et non pas à cause des changements climatiques. Mmh, c'est intéressant, ça, de voir que déjà, dans ces temps anciens, l'homme a surchassé un animal au point d'en causer la disparition, si je comprends bien. Exact. Et est-ce qu'on n'a pas un peu ce genre de situation aujourd'hui? Oui, ben en fait, c'est que ces résultats-là vont aider à démêler tout ce qu'on a, parce que c'est sûr qu'on peut corroborer cette étude-là avec ce qui se passe dans d'autres États insulaires comme la Grande-Bretagne, mais aussi peut-être même en fait l'étirer sur un continent plus large, donc le continent américain ou même l'Europe. Les bisons qui ont été encore aujourd'hui chassés, et les populations ont nettement diminué à cause d'une surchasse À cause de l'homme, exactement. Donc encore aujourd'hui, mais on le voit, c'est encore une question d'actualité. Puis faut bien entendu faire attention. Absolument. Ben, merci beaucoup, Marie-Claude. Voilà, ton prénom m'échappait. Donc, certainement d'ailleurs qu'on va reparler au cours de l'émission des extinctions des populations d'animaux en danger actuellement. Donc, on fait une petite pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous emmène en Afrique.